إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا السيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqh as-sunnati wal kitab al-aziz. La semaine dernière, nous avions continué à énumérer les 8 catégories de personnes qui ont le droit de percevoir la zakat. On avait continué en parlant de la sixième catégorie qui sont appelées en arabe Al-Gharimoun, autrement dit les endettés. Qu'est-ce qu'on avait dit au sujet des endettés? Quels sont les endettés qui ont le droit de percevoir l'argent de la zakat? Non. Il y a quatre catégories qui ont le droit de prendre la zakat. Non. La première, la personne qui a pris l'engagement de payer entre deux tribus. Ahsante, la personne qui a pris l'engagement de payer une somme d'argent à par exemple deux tribus qui étaient en conflit, une personne qui est venue pour les arranger le problème qui est entre eux, pour les réconcilier. Et s'il a pris l'engagement de payer ou de donner de l'argent en compensation pour que ces deux tribus se réconcilient, il est autorisé de donner de l'argent, de la zakat à cette personne. À quelle condition? On avait donné une condition. Ahsant. Qu'il ait l'intention, au moment où il a pris cet engagement, que l'argent qui sera payé sera pris de la zakat. Taïb, ensuite. Ensuite, il y a la personne qui a pris l'engagement de payer la dette de son frère endetté. Non. Cette dette lui a pris tout son argent. Ahsant, celui qui a pris l'engagement de payer la dette de quelqu'un et que cette dette-là a pris tout son argent, il est autorisé de donner à cette personne qui est endettée, qui a pris la dette de quelqu'un d'autre, de le payer de l'argent de la zakat. Et ensuite? Ensuite, il y a une personne qui est endettée et qui n'arrive pas à payer ses dettes. Ahsant, celui qui est endetté, tout simplement, celui qui est endetté et qui n'a pas la possibilité financière de rembourser ses dettes. Il est autorisé de lui donner. Et la quatrième catégorie, la personne qui a fait des dettes dans des péchés, et il a fait tawba. Non. Il reste endetté, on a le droit de payer. Ahsant. Celui qui était endetté suite à une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a faite, mais par laquelle il s'est repenti. Celui qui s'est repenti d'un péché qu'il a fait, mais que durant, il y a un moment où il avait fait ce péché, il était endetté, et que même après s'être repenti, les dettes sont toujours à son compte, alors il est autorisé de donner de l'argent de la zakat à cette personne afin qu'elle rembourse ses dettes. Attendez, qu'est-ce qu'on avait dit sur la dette d'un défunt? Est-ce qu'il est autorisé de prendre ou d'utiliser l'argent de la zakat pour la rembourser? Non. N'est pas autorisé. Pourquoi? Parce que le prophète l'aurait fait quand il y avait un sahabi. Ahsan, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Et le défunt, lorsqu'il laisse une dette, eh bien, il est autorisé à sa famille ou bien à n'importe quel musulman de rembourser ou de prendre en charge cette dette. Mais en aucun cas de rembourser cette dette de l'argent de la zakat, car cela n'a pas été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il en avait la possibilité. On avait cité les hadiths à ce sujet pour chacune des catégories. Et ensuite, la sixième catégorie de personnes qui ont le droit de percevoir la zakat, qui sont ceux qui sont fi sabilillah, ceux qui sont dans le sentier d'Allah. Et on avait dit, ceux qui sont dans le sentier d'Allah, ce sont deux catégories. Ceux qui sont qui font le combat pour Allah. Ahsan, ceux qui sont dans le combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, les combattants dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux qui font le hajj. Et ceux qui font le hajj, ceux qui font le pèlerinage à la Mecque. Il est autorisé de donner de l'argent de la zakat à une personne qui a l'intention de partir au pèlerinage et qui n'en a pas les moyens. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré le hajj comme étant fi sabilillah. Non. Et concernant talibul ilm, l'étudiant en sciences religieuses, est-ce qu'il est considéré comme étant dans le sentier d'Allah ou non? Celui qui consacre tout son temps à l'apprentissage de la religion, apprendre la science juridique. Non. Oui. Quelle est la preuve? C'est parce que c'est un jihad nefs, non? Il y a un khilaf des savants sur ça. Certains savants disent que oui, il est considéré comme étant fils abilillah, car il consacre tout son temps dans l'apprentissage de la religion, et que dans ce cas, il est considéré comme étant fils abilillah, car le talab al-ilm, l'apprentissage de la religion, c'est considéré comme un jihad, fi sabilillah. Yani, c'est un jihad de la langue, car il y a le jihad de la langue, il y a aussi le jihad des plumes, et de l'écriture. Lorsque un savant écrit un livre et répond aux innovateurs ou autres, et montre la vérité et démontre le faux, cela est considéré comme un jihad, fi sabilillah. Et d'autres savants ont dit non. On dit non, il n'est pas autorisé de donner de l'argent de la zakat à l'étudiant en sciences religieuses, sauf s'il est dans le besoin. Sauf s'il rentre dans la catégorie de l'masakin ou bien de l'fukhara. Sauf si c'est un nécessiteux ou bien un pauvre. Dans ce cas, il est autorisé de lui donner. Les savants qui disent le premier avis parmi le Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, et le second avis, c'est l'avis de Cheikh l'Albani et de Cheikh Ibn Baz, rahimahumallah. Taïb, ensuite, la huitième catégorie, la huitième et dernière catégorie de personnes qui ont le droit de percevoir la zakat, ce sont... Mahid, avant ça, il y a dans l'autre catégorie, avant là. Non. Il dit que si, par exemple, ils ont un salaire, tu ne leur donnes pas, sauf si ce salaire-là... Ahsant, concernant les combattants, ceux qui sont fils abilillah, il n'est pas autorisé de le donner à ceux qui ont un salaire versé par l'État. Les militaires qui combattent et qui sont payés pour ça par l'État, eux ne perçoivent pas l'argent de la zakat. On le donne à ceux qui n'ont pas de revenus, ceux qui ne sont pas rémunérés par l'État. Barakallahu fik. Ensuite, la huitième catégorie, ce sont les riches qui achètent la zakat avec leur argent. Non, c'est pas ça la huitième catégorie. Naam. Wabnu Sabil. C'est le voyageur. Donc le voyageur, celui qui se retrouve dans un pays étranger au sien et qui n'a pas les moyens de revenir à son pays, qui s'est retrouvé dans une galère ou dans des problèmes qui font qu'il n'a pas la possibilité de revenir dans son pays. Donc lui, il est autorisé de lui donner de l'argent, de la zakat, afin qu'il retourne chez les siens, même s'il fait partie chez les siens de personnes riches. Taïb. On a dit également celui qui est autorisé de donner de l'argent, de la zakat, à celui qui veut voyager, par exemple, pour aller rendre visite à ses parents, mais qui n'en a pas les moyens, qu'il est autorisé de lui donner de l'argent pour qu'il puisse aller et revenir visiter ou y faire cette obligation qui est pour lui. Et ensuite, on avait parlé de la zakat, qu'elle n'est pas, on avait cité le hadith où le professeur Hassan a dit que la zakat n'est pas autorisée pour le riche, sauf pour cinq catégories. Et cinq catégories qui sont Ahsant, celui qui travaille pour la zakat. Ensuite, celui qui l'a acheté de son propre argent. C'est-à-dire celui qui l'a acheté de son propre argent. C'est-à-dire un riche qui achète une zakat à une personne qui était pauvre. Ahsant. C'est-à-dire qu'il est autorisé à un riche d'acheter la zakat de son argent à de l'acheter avec son argent. Acheter la zakat, c'est-à-dire un pauvre à qui on a donné par exemple un bien, ça peut être une chamelle ou autre, eh bien il est autorisé à un riche de venir et d'acheter ce bien au pauvre. Donc en fait, il a acheté indirectement une zakat. Et on avait dit qu'il fallait que ce cas était autorisé à condition que c'est pas lui qui l'a vendu. Que la zakat qu'il achète, que ce ne soit pas lui qui l'ait donné à ce pauvre, mais que ce soit quelqu'un d'autre. Car sinon, cela ouvrirait la porte à des escroqueries et à des déviations des jugements de la religion. Ou bien alors, celui qui est endetté, car des riches peuvent être endettés, il est autorisé de leur donner de la zakat s'ils n'ont pas la possibilité de rembourser leurs dettes. Ou bien ceux qui combattent dans le sentier d'Allah, ils peuvent très bien être riches. Ou bien un pauvre qui donne en aumône ou qui donne en cadeau un bien qui lui a été donné de la zakat. Il a autorisé un pauvre de donner un cadeau à un riche, même si ce cadeau fait partie de la zakat. Ensuite, on a parlé de zakat al-fitr. Quel est son jugement? À part Béchir. Naam. Pardon. L'expression sur les paroles inutiles. Naam. Quel est son jugement d'abord? Le jugement, c'est une obligation. C'est une obligation. Zakat al-fitr, c'est une obligation. Pourquoi est-ce qu'elle appelle zakat al-fitr? Parce qu'elle est donnée au moment de rupture. Naam. Elle est donnée au moment de la rupture du ramadan. Donc c'est pour cela qu'elle est appelée zakat al-fitr. Et donc, elle est obligatoire. Les hadiths à ce sujet et le hadith où il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu zakat al-fitr obligatoire. Et concernant sa sagesse, pourquoi est-ce qu'elle a été légiférée? Naam. C'est une purification de al-lahu, des paroles inutiles. Et al-rafath, tout ce qui a à voir avec le péché. Ce sont les actes et les paroles qui sont mauvaises et lorsque la personne les fait, elle encourt des péchés. Donc que les zakat al-fitr est un moyen de purification pour le jeûneur des manquements ou des choses qu'il n'a pas faites, qu'il aurait dû faire, et bien zakat al-fitr permet de combler tous ces trous. Et c'est aussi également, c'est aussi une nourriture pour les pauvres. Ensuite, on avait parlé de envers qui elle est obligatoire. Envers qui zakat al-fitr est obligatoire? Il n'y en a que trois qui répondent tout le temps. Alors que vous êtes, mashallah. Envers qui zakat al-fitr est obligatoire? On l'a vu ou on ne l'a pas vu la semaine dernière? Envers qui elle est obligatoire? C'est important de savoir ça. Peut-être qu'elle sera obligatoire pour toi le ramadan prochain, inshallah, sans que tu ne le saches. Comme ça, Allah. La personne qui possède de quoi se nourrir lui et sa famille la veille ou la nuit de ramadan. Celui qui possède De quoi se nourrir lui et sa famille, mm-hmm, la veille de l'Aïd ou le jour même de l'Aïd. Celui qui possède ce qui lui suffit. Qui lui suffit. Et un peu plus. Celui qui possède ce qui lui suffit ou plus que ce qui lui suffit. Plus que ce qui lui suffit. Ahsan. Donc c'est celui qui possède la veille de l'Aïd, celui qui a en sa possession plus que sa suffisance et la suffisance de sa famille. Celui qui a plus que son besoin à lui et le besoin de sa famille la veille de l'Aïd ou le jour de l'Aïd, eh bien, il lui est obligatoire de donner zakat al-fitr. Concernant la quantité de zakat à donner, c'est Naam. C'est la contenance. 4 amdad. Et 4 amdad, c'est un sa. Donc de donner un sa, on avait dit qu'un sa, ça équivaut à combien en kilos? 2,40 kg, de façon précise. Mais rien n'interdit de donner plus. Et concernant al-qamh, le blé ou le froment, la quantité est de un demi sa', autrement dit muddain, ahsant, deux mouts. Deux mouts, ça c'est concernant le blé et le froment. Et tout le reste de nourriture, il faut donner à sa', qui est l'équivalent de 2 kg et 40 grammes. Et on avait dit que la majorité des savants, ou la plupart des savants, obligent de donner zakat al-fitr comment ? En nourriture. Et seul l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, autorise le fait de la donner en argent. Mais l'avis le plus sûr, c'est l'avis de la plupart des savants, et c'est ce qui est appuyé par les hadiths du professeur sallam, car le professeur sallam, parmi les sagesses de zakat al-fitr, il a dit que c'était une nourriture, ta'matun lil masakin, que c'était une nourriture pour les pauvres. Et quant à l'argent, le fait de donner l'argent aux pauvres, eh bien cela doit être fait dans les autres contextes, comme zakat al-mal, lorsque tu as de l'argent à donner, de la zakat de ton argent, dans ce cas tu donnes de l'argent, ou bien lorsque tu veux faire un don bénévole, une sadaqa, eh bien donne de l'argent aux pauvres. Mais quant à zakat al-fitr en particulier, elle doit être donnée, et ne doit être donnée qu'en nourriture et non en argent. Et certains savants considèrent même que celui qui la donne en argent, elle n'est pas acceptée de lui. Et parmi eux, Cheikh al-Fawzan hafidhahullah considère que celui qui donne zakat al-fitr en argent, eh bien elle n'est pas considérée comme zakat al-fitr, car le prophète sallam a dit: man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Celui qui innove dans nos commandements une chose qui n'en fait pas partie, il est rejeté. Il est rejeté. Et il n'a jamais été rapporté ni dans le Coran, ni dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans les actes de nos pieux prédécesseurs, qu'ils ont donné zakat al-fitr en argent, et au contraire, ils ne l'ont toujours donné qu'en nourriture. Ensuite, on avait parlé du moment où il fallait sortir ou donner zakat al-fitr. Qu'est-ce qu'on avait dit ? Il faut la donner avant la prière, et il est autorisé de la donner un jour ou deux jours avant. De la donner, ahsant, avant Al-Eid, d'un jour ou de deux jours. Et il est interdit de retarder. Il est interdit de donner zakat al-fitr après la prière, sauf pour celui qui est excusé. Sauf pour celui qui a une excuse valable, celui qui a oublié, ou celui qui a un udhr shar'i, qui a une excuse valable islamiquement, alors il donne la zakat au moment où il le peut, ou celui qui l'a oublié, au moment où il s'en rappelle. Et à qui doit être donnée la zakat, zakat al-fitr? Est-ce que c'est comme zakat al-mal, ou qui doit être donné à une des 8 catégories, ou bien est-ce que c'est autre chose? Non, c'est juste au fuqara et au masakin. Ahsant, zakat al-fitr ne doit être donné que aux pauvres ou bien aux nécessiteux, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'était une nourriture pour qui? Pour al-masakin, pour les nécessiteux et les pauvres. Et al-masakin, on l'avait dit dans le hadith, qu'est-ce qu'il englobe? Non, le terme miskin, lorsqu'il est cité tout seul, englobe les nécessiteux et les pauvres. De même que al-fuqara, lorsqu'ils sont cités tout seuls, ils signifient les pauvres et les nécessiteux. Et lorsqu'ils sont cités l'un à côté de l'autre, alors al-fuqara signifie, ou al-faqir signifie celui qui a moins de la moitié. Et il signifie le pauvre, et al-miskin signifie le nécessiteux. طيب يقول المؤلف: صدقة التطوع ويستحب الإكثار من صدقة التطوع لقوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Ensuite, le chapitre des aumônes surérogatoires. L'auteur dit: et il est préférable de donner beaucoup d'aumônes surérogatoires. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il dit: ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain, d'où naît ou d'où naissent 7 épis, chaque épi contenant 100 grains. Et Allah multiplie la récompense à qui il veut, et Allah est immense et savant de toutes choses. Donc ici, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala donne l'image de celui qui donne une aumône surérogatoire comme un grain. Et dans ce grain, il y a 7 épis. Et dans chaque épi, il y a 100 grains. Autrement dit, la récompense est multipliée par combien ? 700. Par 700. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wallahu yudha'ifu liman yasha » Et Allah subhanahu wa ta'ala ne se contente pas uniquement de multiplier cette aumône surérogatoire par 700, mais il multiplie aussi et multiplie par un nombre plus grand à qui il veut. « Wallahu yudha'ifu liman yasha » Wallahu wasi'un alim. Et Allah est immense, c'est-à-dire dans la récompense qu'il peut donner à ses serviteurs. Wallahu wasi'un alim. Et il sait tout, il sait, il connaît ses serviteurs qui donnent les aumônes surérogatoires, même s'ils le font de façon discrète. Allah subhanahu wa ta'ala est savant de toutes choses. Il y a d'autres versets dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala encourage les musulmans et les croyants à donner des aumônes surérogatoires, entre autres le verset Afwan dans Surat Al-Ahzab, où Allah subhanahu wa ta'ala cite en disant « Innal muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat » les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes. Puis Allah subhanahu wa ta'ala cite parmi eux « Wa wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat » et ceux qui donnent en aumône parmi les hommes, et ceux qui donnent de l'aumône parmi les femmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin du verset, lorsqu'il a cité toutes ces catégories, il a dit A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve un pardon de lui wa ajran azima, et une immense récompense. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans un autre verset dans Sourate Al-Baqarah, lorsqu'il a parlé de l'usure, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Yamhaqullahu riba. Allah subhanahu wa ta'ala rabaisse l'usure et enlève de l'usure toute bénédiction, toute baraka. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Et de l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala multiplie et fait fructifier les aumônes lorsqu'elles sont données par les musulmans, les musulmanes, ou par les croyants et les croyantes. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans un autre verset Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ceux qui donnent les aumônes et qui ont fait un prêt sincère à Allah subhanahu wa ta'ala, cela alors leur récompense sera multipliée et ils auront une récompense généreuse. Allah subhanahu wa ta'ala sera généreux envers eux comme ils ont été généreux envers les pauvres. Car Allah subhanahu wa ta'ala, dans tous les cas, n'a pas besoin de ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de personne. Ne pense pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il te demande de donner un aumône, ne crois pas qu'Allah azza wa jalla a besoin de cela. En aucun cas. Allahu wallahu ghaniyun hamid. Wallahu ghaniyun anil alamin. Allah n'a besoin de personne, mais tout le monde a besoin de lui, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Vous êtes les pauvres envers Allah et c'est Allah qui est le riche et celui qui doit être loué. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم, donc ceci concernant les versets dans le Coran qui poussent et encouragent le croyant à donner en aumône, et concernant les hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم, ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. حديث متفق عليه. Et parmi les autres preuves, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: il n'y a pas un jour que vivent les serviteurs sans que deux anges ne descendent. Et l'un dit, ô Allah, donne à celui qui donne en aumône, donne-lui un retour, fais une suite à son don et à son aumône. Et un autre ange, l'autre ange dit, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ô Allah, donne à celui qui s'est abstenu, à celui qui a été avare, à celui qui n'a pas donné en aumône, par avarice, donne-lui et fais-lui connaître la perte. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit que chaque personne sera sous l'ombre de son aumône le jour du jugement jusqu'à ce que le jugement commence. Jusqu'à ce que le jugement commence. Donc sache que plus tu donneras de l'aumône et plus l'ombre de cette aumône le jour du jugement, le jour où il n'y aura d'ombre que celle d'Allah, le jour où le soleil se rapprochera de nos têtes d'une distance d'un mille, eh bien sache que ces aumônes te seront profitables ce jour-là, car elles seront une ombre au-dessus de toi. Et un autre hadith où le prophète sallam a dit que l'aumône efface les péchés comme l'eau éteint le feu. C'est un hadith authentique également. Wa awla an-nas bi sadaqati al-muslim ahluhu wa dhawi rahimihi liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam as-sadaqatu 'ala al-miskin sadaqah wa 'ala dhir-rahimi thintan sadaqatun wa silah. Hadith sahih rawahu at-Tirmidhi. Et les personnes qui méritent le plus l'aumône du musulman, ce sont sa famille et ses proches. La preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « L'aumône envers le pauvre est une aumône et envers un proche, ce sont deux choses. C'est une aumône et c'est un moyen de nouer les liens de parenté. » Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi. Donc de donner une aumône, il est préférable de la donner à des personnes de ta famille, de tes proches qui sont pauvres et nécessiteuses, ce sont eux qui méritent le plus ton aumône et ta générosité. Et sache qu'en donnant une aumône à ta famille, tu as fait deux choses à la fois. Une aumône qui sera multipliée, dont la récompense sera multipliée par Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est aussi un moyen de nouer les liens et de préserver les liens de parenté avec ta famille et tes proches. Donc ainsi se termine... Naam. C'est sadaqa. Est-ce qu'elle est autorisée aux non-musulmans? On a répondu à cette question. Est-ce qu'il est autorisé de donner az-zakat ou sadaqa à un non-musulman? Ahsante. Que cela n'est pas autorisé, sauf s'il fait partie de al-mu'allafati qulubum, sauf s'il fait partie de ceux dont les cœurs sont proches de l'islam. Si tu vois qu'il s'intéresse à l'islam, qu'il veut connaître l'islam, et que le fait que tu lui donnes de l'argent va le toucher et va le pousser, l'encourager à apprendre plus cette religion, à s'en rapprocher encore plus et inshallah à l'embrasser, eh bien dans ce cas il est autorisé. Sinon les savants sont d'accord sur le fait qu'il n'est pas autorisé de donner la zakat et la sadaqa à un non musulman. Et si tu sais que cette personne par exemple la fume ou je sais pas quoi, tu lui donnes quand même? S'il fait partie de le moelle, faire que le boire. S'il fait partie. S'il fait un péché avec cet argent-là, tu lui donnes quand même. Il fait pire que boire et fumer. Il n'adore pas Allah. Il n'est pas musulman. Est-ce qu'il y a un péché pire que de ne pas adorer Allah? Non. Donc le fait qu'il boive, qu'il fume ou autre, cela n'influe pas. À partir du moment où il est intéressé et qu'il est proche de l'islam, il fait partie de al-mu'allaf qulubuhum, une des huit catégories à qui il est autorisé de percevoir l'argent de la zakat. Wallahu a'lam. Donc ainsi se termine le livre de la zakat. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, aujourd'hui on va commencer le livre Kitab al-Nikah, le livre du mariage. Normalement le livre qui suit c'est Kitab al-Hajj, mais je préfère y retarder un peu Kitab al-Hajj quelques mois avant le début du Hajj pour que tout soit frais dans les esprits de chacun. Bon, non. Une question par rapport à zakat al-Fitr. Non, tafadhala. Pour les gens qui ne peuvent pas jeûner le mois du ramadan pour cause de maladie, est-ce qu'ils peuvent sortir une zakat? S'ils la sortent, c'est en argent ou en nourriture? Yani concernant la compensation des gens qui n'ont pas jeûné. Non, concernant ceux qui ne peuvent pas jeûner, on avait dit que si c'est une maladie qui est une maladie qui peut être suivie d'une guérison, que cette personne doit rattraper son jeûne. Celui qui est malade d'une maladie incurable qui ne lui permet pas de jeûner, alors il doit nourrir pour chaque pauvre, pour chaque jour non jeûné, un pauvre. Donc le fait de nourrir un pauvre, c'est une chose. Cela compense les jours non jeûnés. Quant à Zakat al-Fitr, on a dit Zakat al-Fitr est obligatoire envers qui ? Envers le musulman qui est libre et qui a plus que sa suffisance à lui et à sa famille la veille de l'Aïd. Qu'il soit malade ou pas, qu'il soit vieux ou pas, à partir du moment où il a plus que sa suffisance et la suffisance de sa famille, il doit donner Zakat al-Fitr. Et le fait de donner en expiation, de nourrir en expiation un pauvre par jour parce qu'il n'a pas pu jeûner, c'est une chose, et de donner Zakat al-Fitr, c'en est une autre. Et le fait de nourrir un pauvre tous les jours qu'il n'a pas jeûné, c'est obligatoire. C'est obligatoire, non. Ils sont par rapport à Zakat aussi. Justement, par exemple, des fois, quand on est en France, par exemple, et on n'arrive pas à trouver les personnes à qui donner Zakat al-Fitr. Non. Est-ce que Annie, on peut faire ça au bled, et la personne par exemple qui est au bled qui donne, en fait, elle demande à l'intermédiaire de le donner à sa place. Est-ce que cette personne-là, en retour, elle veut donner son argent ou pas? Yani le fait de donner Zakat al-Fitr à un pauvre dans un autre pays que le tien, les savants disent que cela doit être fait en cas de force majeure. Si vraiment il n'y a pas de pauvre dans le pays où tu vis. Mais la question est-ce que vraiment il n'y a pas de pauvre dans le pays où tu vis? Est-ce que la personne a vraiment fait tout son possible, a fait vraiment toutes les recherches possibles et inimaginables? Et est-ce que ce fait qu'il n'y a pas de pauvre dans ce pays est connu de tout le monde, ou est-ce qu'il est connu que de toi? S'il est connu de tout le monde, là il faut appeler un savant et lui expliquer la situation en disant que dans ce pays, il est connu qu'il n'y a pas de pauvres ou que les pauvres se font très très rares. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais si c'est que toi qui constate ça et que tout le monde a donné Zakat al-Fitr et que personne n'a soulevé ce problème, il faut se poser la question. Non. La personne, comment dire, par exemple, si la personne elle sort quand même la Zakat à sa place et que par exemple, elle dit quand tu reviens, tu reviens ton argent et que cette personne ne donne pas son argent. La zakat est pris en compte ou pas, sachant qu'il n'a pas payé le prix de zakat. Lorsque tu donnes, tu as le droit de léguer quelqu'un pour qu'il donne ta zakat. Lorsque tu lègues quelqu'un pour qu'il donne ta zakat, la responsabilité est à celui à qui tu l'as donné. Lorsque tu dis à une personne, voilà la zakat, fais ce que tu peux le donner à un tel, la responsabilité est de celui à qui tu l'as donné. Mais cela ne doit pas t'empêcher de demander et de vérifier que la zakat a bien été donnée. Donc le livre du mariage qui se trouve à la page 260, ça dépend. Ceux qui ont la première édition, c'est 271. Et ceux qui ont la seconde, c'est 277. Le livre du mariage. Qu'est-ce que signifie al-nikah dans la langue arabe? Al-nikah, c'est le fait de rassembler et de réunir. Lorsque tu dis tanakahat al-ashjar, c'est-à-dire que les arbres se sont regroupés et réunis les uns des autres. Au fi shar'i, et concernant la définition de nikah, du mariage au niveau de la religion, c'est un contrat ou un acte qui a été établi par Allah et par son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui autorise à un homme de jouir d'une femme et à une femme de jouir d'un homme. De jouir dans tous les sens du terme. Et concernant kalimat al-nikah, le terme nikah en arabe, plutôt dans le Coran, a été cité en voulant dire deux choses différentes. La première chose, nikah, signifie dans le Coran le contrat, l'acte de mariage. Al-aqd, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et ne vous mariez pas avec ceux, avec celles dont vos pères se sont mariés. Et ici, le terme marié, qu'est-ce qu'il signifie? Le terme nakaha, ay aqada. Ay aqada. Car le terme nikah, dans le Coran, il signifie deux choses. Soit le fait de faire un contrat de mariage, un acte de mariage, ou bien les rapports intimes avec sa femme. Ce sont les deux sens présents dans le Coran. La preuve du premier sens, le fait de faire un contrat et de se marier, c'est la parole d'Allah SWT lorsqu'il dit « وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ » et ne vous mariez pas avec des femmes dont vos pères se sont mariés. Donc toutes les femmes ou la femme avec qui ton père s'est marié, il ne t'est pas autorisé de te marier avec elle. Supposons que ton père se marie avec une seconde épouse et que l'acte de mariage est valide, c'est-à-dire qu'il y a eu l'accord du tuteur et il y a eu la présence de deux témoins. Si l'acte de mariage est valide, alors cette femme, il t'est interdit à toi de te marier avec elle. Et ceci, que ton père ait consommé le mariage ou qu'il ne l'ait pas consommé. Et ce jugement est valable aussi, ce jugement est valable concernant les femmes qui se sont mariées avec ton père ou avec ton grand-père ou arrière-grand-père. Et elle est en montant, de ton père en montant. Tous ceux qui sont tes grands-parents en montant, eh bien, les femmes avec qui ils se sont mariés, il t'est interdit à toi de te marier. Ou réciproquement. Non. Réciproquement aussi. Si le fils se marie avec le mari. Allahu alam. Le contraire, Allahu alam, l'adri. Concernant le fait des femmes qui se sont mariées avec ton père, il ne t'est pas autorisé, même si ton père divorce avec elle par la suite. Même si ton père divorce avec elle par la suite, elle reste pour toi un mahram. Mais pour ton père, elle n'est plus un mahram. Donc une femme qui s'est mariée avec ton père, même si le mariage n'a pas été consommé, et que ton père divorce par la suite, eh bien cette femme reste pour toi un mahram. Reste pour toi une femme qui t'est interdite au mariage. Autrement dit, tu as le droit de voyager avec elle, tu as le droit de rester tête à tête avec elle, elle a le droit de se dévoiler devant toi, alors que ton père, lui, n'est plus son mari. Donc lui n'a plus le droit de la voir, n'a plus le droit de voyager seul avec elle, etc. etc. Et c'est un jugement qui reste durant toute la vie de la personne. Et dans ce verset, alors, c'est interdit, « وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ أَبَاؤُكُمْ » Ici, le terme « نَكَحَ » signifie « ne concluez pas de contrats de mariage avec des femmes qui se sont mariées avec vos pères. » Et ensuite, Allah SWT a dit « Illa ma qad salaf. » Illa ma qad salaf, c'est-à-dire « Lakin ma qad salaf. » C'est-à-dire que si vous avez conclu des mariages de cette sorte avant de connaître le jugement, avant que ce jugement n'apparaisse, alors Allah SWT ne le prendra pas en considération, mais vous devez rompre cet acte de mariage. Allah subhanahu wa ta'ala parlait aux compagnons radiallahu anhum que ceux qui, lorsque ce verset est descendu, lorsque ce jugement a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui se trouvaient dans cette situation, qui étaient mariés avec une femme qui avait déjà été mariée avec leur père, Allah subhanahu wa ta'ala ne prend pas en considération cela, mais ils doivent sur le champ rompre l'acte de mariage. Et il y a le deuxième sens du terme nakaha dans le Coran, c'est la signification du rapport intime. Et la preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit « وَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » Et si il la répudie, C'est-à-dire, si l'homme répudie sa femme pour la troisième fois, فَلَا تَحِلُّ لَهُ, elle ne lui est plus autorisée et licite, حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, jusqu'à ce qu'elle épouse un autre homme que lui. Et ici, le terme nakaha dans ce verset signifie d'avoir des rapports avec son mari. Hatta tankiha zawjan ghayra. Et la preuve, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit jusqu'à ce qu'elle. Hatta tankiha zawjan ghayra. Mais une personne, est-ce qu'elle peut être mariée sans contrat de mariage? Non. Donc le terme nakaha zawjan veut dire non, sur le contrat de mariage, et on le comprend déjà du terme zaouj, du terme mari par la suite. Donc le terme nakaha signifie avoir un rapport intime, et vient appuyer cela un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté dans le Bukhari et Muslim, où Aïcha radhiyallahu anha a dit que une femme la femme de Rifa'a, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô envoyé d'Allah, bittu batta talaqi, yani talaqani Rifa'a wa batta talaqi, que Rifa'a radhiyallahu anhu l'a répudié pour la troisième fois. Et elle a dit: فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزَّبِيرِ. Beaucoup lisent en faisant une erreur, en disant, en croyant que c'est Abdullah ibn Zubayr. Non, dans ce hadith rapporté dans le Sahihayn, il s'agit de Abdullah ibn Zubayr et non pas de Abdurrahman ibn Zubayr et non pas de Abdurrahman ibn Zubayr. Et elle s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam que Abdullah ibn Zubayr ne l'approchait pas. Et elle lui a cité un détail concernant la taille de la verge. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rigolé, a souri, et lui a dit: veux-tu retourner avec Rifa'a? Et la réponse était oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: là, حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. Le prophète a dit: non, jusqu'à ce que tu goûtes son miel et que lui goûte ton miel. Autrement dit, jusqu'à ce que le rapport ait été fait, jusqu'à ce que le mariage soit consommé. Et le prophète a donné l'image du miel, car c'est quelque chose de doux et de bon. Et donc dans ce hadith, il est clair que lorsque une femme qui a été divorcée trois fois par son mari veut que son mari la récupère, il faut qu'elle se marie un mariage sincère avec un autre homme et que le mariage soit consommé, puis qu'elle soit répudiée et que la idda, et que le terme de la répudiation arrive à échéance, c'est-à-dire le temps de trois menstrues. Dans ce cas, et dans ce cas uniquement, il est autorisé à la femme, ou plutôt à l'homme, de récupérer son ancienne épouse. Et il est interdit en islam de faire les mariages d'autorisation, nikah al-tahlil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la'anallahu al-muhallil wa وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. Allah maudit celui qui fait un mariage pour autoriser et celui pour qui il a été fait. Car certains se mettent en accord avec d'autres hommes en disant: voilà, tu te maries avec ma femme et le jour même tu la répudies et je la récupère. Ça, c'est un accord qui est interdit en islam, et les deux hommes sont maudits par le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc, pour généraliser, le terme nakaha, lorsqu'il est suivi d'une personne étrangère, Eh bien, il signifie le fait de faire un acte de mariage. Lorsque tu dis Nakahtu binta fulan. Lorsque tu dis Nakahtu binta fulan, c'est-à-dire je me suis marié avec la fille d'un tel, cela signifie que tu as conclu un contrat de mariage avec elle. Et lorsque tu dis Nakaha zaujatahu, si on traduit littéralement, il a fait le mariage avec sa femme, c'est-à-dire qu'il a eu un rapport avec sa femme. Nakaha zaujatahu ay jama'a zaujatahu. C'est clair ou pas? Tayyib, hukmuhu, le jugement du mariage. An-nikahu min akadi sunanil mursalin. قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. Le jugement du mariage. Le mariage fait partie des sunan les plus recommandés parmi les sunan des prophètes et envoyés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et nous avons envoyé des prophètes avant toi et nous leur avons donné des femme et une descendance, une progéniture. Donc tous les prophètes et envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala se sont tous mariés et Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé une descendance. Et concernant al-ruhbaniyah, ils sont traduits en français, yani la vie monastique ou le monachisme, le fait de vivre comme un moine en se retirant de tout et entre autres de ne pas se marier. Cela n'existe dans aucune des religions, que ce soit la religion musulmane ou la religion chrétienne ou juive. Ce type de pratique n'est pas du tout, yani n'est pas autorisé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a même parlé de cela dans le Coran lorsqu'il dit وَرَهْبَانِيَةً يَبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle des chrétiens, il dit وَرَهْبَانِيَةً يَبْتَدَعُوهَا, et un monachisme qu'ils ont eux-mêmes légiféré ou qu'ils ont eux-mêmes instauré. Ma katabna alayhim. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous ne leur avons pas rendu obligatoire cela. Illa btira amardatillah. Yani illa huna bima'na lakin. Lakin ibtira amardatillah. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait cela? Pour avoir la satisfaction d'Allah. Yani cette faction de chrétiens qui se refuse ou qui s'interdit le mariage, eh bien, ils ont instauré une chose qu'ils ont eux-mêmes innovée et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a jamais ordonné. Et ils ont fait ça, ibtira amardatillah, pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah azza wa jalla, qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Mais ils n'ont pas fait cela comme ils devaient le faire. Autrement dit, est-ce que la bonne intention suffit? Non. Le fait d'avoir une bonne intention ne suffit pas. Tu peux très bien faire une chose en ayant une bonne intention, mais faire une chose innovée, une chose interdite. Et c'est ce qu'ont fait ces chrétiens. Ils se sont instaurés à eux-mêmes et ont innové pour eux-mêmes une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas ordonnée. Et dans d'autres hadiths, on comprend qu'ils font cela pour atteindre le pouvoir. Ils font cela pour qu'ils soient respectés des gens et demander ensuite le pouvoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit cela dans le Coran lorsqu'il dit inna kathiran min al-ahbar wal-ruhban ya'kuluna amwal an-nas bil-batil wa yasudduna 'an sabilillah. Inna kathiran min al-ahbar wal-ruhban. Beaucoup de rabbins et de moines, ils mangent l'argent des gens dans le faux, et ils dévient les gens du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils font cela pour qu'il soit élevé aux yeux des gens, pour que les gens disent: regardez, un tel, c'est interdit de se marier avec une femme, il a fait ça pour Dieu, regardez, il faut le respecter, il faut le voir d'un autre œil. Et lorsque ce respect augmente, ces moines et ces personnes qui font ces pratiques voient qu'ils sont respectés des gens et peuvent alors leur demander ce qu'ils veulent, comme argent ou comme pouvoir. Et le prophète sallam a dit: la rahbaniyata fil islam, il n'y a pas de monachisme en islam. En islam, cela n'existe pas. ويقول المؤلف: ويكره تركه لغير عذر لحديث أنس بن مالك قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقلوها، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا؟ فأنا أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. حديث متفق عليه. Il est détestable de délaisser le mariage sans excuse. La preuve est le hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu, lorsqu'il dit: un groupe de trois hommes appelés en arabe Rahat, et Rahat en arabe, ça signifie un nombre d'hommes compris entre 3 et 9. Donc trois hommes sont venus demander aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait son Seigneur? Et lorsqu'ils ont été informés des adorations et de la façon dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait Allah azza wa jal, ka'annahum taqalluha, comme s'ils ont constaté que cela était peu à leurs yeux. Ils ont constaté que l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas aussi importante qu'ils le pensaient. Faqalu, ils ont dit: mais où sommes-nous par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Lui, ses péchés passés et antérieurs lui ont été pardonnés. Et ils ont trouvé une explication à cette constatation qu'ils ont faite. Ils ont dit: mais c'est vrai, comment est-ce qu'on peut se comparer au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a déjà pardonné tous ses péchés, les passés et ceux qui sont à venir. Donc c'est normal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se prenne pas la peine de faire des adorations de façon abondante et en grand nombre. فَقَالَ أَحَدُهُمْ, et l'un a dit: quant à moi, je prie toute la nuit. Et l'autre a dit: et moi je jeûne toute l'année et je ne mange pas. Et un autre a dit, et le troisième a dit: quant à moi, je m'abstiens des femmes et je ne me marierai jamais. Faja'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Puis ces paroles sont venues aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis est venu, et dans une autre version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qama fa khataba an-nas wa hamida Allah azza wa jalla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu ça dans une autre version, il s'est levé et a parlé solennellement aux gens et a fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce hadith, il est dit: antumul ladina qultum kada wa kada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il leur a dit: est-ce vous qui avez dit telle et telle parole? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quant à moi, je jure par Allah que je suis parmi vous celui qui craint le plus Allah. wa atqakum lillah, celui qui a plus de crainte envers Allah et celui qui le craint le plus. Walakinni asum wa uftir, mais quant à moi, je jeûne et je mange. Wa usalli wa arqud, je prie et je dors. Wa atazawwaju an-nisa, et je me marie avec les femmes. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, et celui qui se dévie de ma sunna, celui qui se dévie de ma voie, de la voie que j'ai empruntée, falaysa minni, il ne fait pas partie de moi. Et dans ce hadith, le prophète sallam a été catégorique et a montré de façon claire que le fait d'abuser dans la religion n'est pas une chose demandée, c'est même une chose interdite. Et ceux qui abusent dans la religion, ceux qui se forcent à faire des choses dont ils n'ont pas la possibilité ou la capacité de faire, eh bien ces personnes, leur sort se terminera d'une des deux façons. Soit ils vont tout lâcher, ou bien alors ils vont revenir à la vérité. Et la vérité, c'est le juste milieu. Un musulman est toujours dans le juste milieu. Il n'abuse pas et il ne délaisse pas. Il n'est pas dur dans ses pratiques, mais il ne se laisse pas aller non plus. Et celui qui est dur dans ses pratiques, celui qui veut s'abstenir de se marier pour Allah, et il a une bonne intention en le faisant, mais l'acte qu'il le fait n'est pas accepté en islam, celui qui veut prier toute la nuit, ou celui qui veut jeûner toute l'année, on avait vu les hadiths du prophète sallam quant à celui qui jeûne toute l'année. Qu'est-ce que le prophète sallam a dit? La sama wa la aftar. Celui qui jeûne toute l'année, le prophète sallam a dit, il n'a pas jeûné, ni il n'a jeûné, ni il n'a mangé. Ni il n'a jeûné, c'est-à-dire que son jeûne n'est pas accepté de lui, et ni il n'a mangé, c'est-à-dire qu'il n'a pas mangé. Autrement dit, il s'est fait du mal pour rien du tout. Il s'est fait du tort pour rien. Et celui qui est dur envers lui, celui qui est dur envers la religion, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala est dur envers lui. D'accord ? Donc, le professeur Hassan, lorsqu'il a vu cette dureté, l'a condamné. Et l'a condamné solennellement, en se levant et en parlant aux gens, en leur disant que celui qui dévie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il ne fait pas partie de lui. Les constats sont présents partout. Vous verrez toujours une personne qui est dure envers elle-même, qui dépasse les limites et qui veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala soi-disant plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous verrez, soit cette personne revient à la vérité et au juste milieu, et c'est ce qu'on lui souhaite, ou soit, wal'iyadu billah, elle sort du chemin et elle s'égare. Combien ont commencé leur pratique et ont voulu tout faire d'un coup? Et ceux qui veulent tout faire d'un coup, quelle est leur fin? Ils délaissent tout d'un coup. Comme celui qui veut apprendre la science en une seule fois, eh bien, il la perdra en une seule fois. Le musulman doit toujours voir le juste milieu. Et quand vous voyez les gens de la sunna, les gens qui suivent nos pieux prédécesseurs, ils sont toujours dans le juste milieu. Quel que soit le domaine, quel que soit le sujet, que ce soit dans le fiqh, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans les adorations, dans tous les domaines, vous verrez toujours les gens de la vérité qui sont dans le juste milieu. Et le prophète sallam a ici, et les savants ont déduit qu'il était détestable pour celui, voire interdit, pour celui qui n'a pas d'excuse de ne pas se marier. Celui qui n'a pas d'excuse, il lui est fortement recommandé de se marier. ويجب على القادر عليه إذا خشي على نفسه العنت لأن الزنا حرام وكذلك ما يؤدي إليه وما هو مقدمة له فمن خشي على نفسه الوقوع في هذا وجب عليه رفعه عن نفسه فإن كان لا يندفع إلا بالنكاح وجب عليه ذلك. Et il est obligatoire pour celui qui en a la possibilité et qui a peur pour sa personne de commettre l'adultère ou la fornication, c'est pour lui une obligation, car l'adultère ou la fornication est interdite, et également tout ce qui amène à la fornication est interdit, ou tout ce qui est une porte à la fornication est interdit, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wala taqrabu az-zina » et « N'approchez pas l'adultère ». Allah subhanahu wa ta'ala n'a même pas dit « Ne faites pas l'adultère », ça c'est une chose qui est catégorique, non, aucun débat n'est accepté sur ce sujet. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wala taqrabu » ce qui nous est interdit, c'est déjà de ne pas approcher l'adultère. Donc tout ce qui pourrait t'approcher ou t'emmener à l'adultère est interdit. Quant à l'adultère, cela est interdit d'office. فَمَنْ خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الْوُقُوعَ فِي هَذَا وَجَبَ عَلَيْهِ رَفْعُهُ عَنْ نَفْسِهِ. Et celui qui a peur de tomber dans l'adultère doit faire tout son possible pour se préserver de cela. فَإِنْ كَانَ لَا يَنْدَفِعْ إِلَّا بِالنِّكَاحِ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ. Et si il ne peut se préserver de l'adultère qu'en se mariant, alors il lui est obligatoire de se marier. Car il y a une règle en islam qui dit مَا لَا يَتِمُ الْوَاجِبُ بِهِ مَا لَا يَتِمُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ. Lorsque pour une chose obligatoire, tu dois en faire une autre, eh bien cette chose que tu dois faire est obligatoire. Yani, de s'abstenir de l'adultère, est-ce que c'est une chose obligatoire? Oui. Et lorsque tu te retrouves dans un cas où le seul moyen pour toi de te préserver de l'adultère, c'est de te marier, alors le mariage est obligatoire. Non. L'adultère et la fornication, c'est la même chose ou c'est pas la même chose? Concernant la fornication, c'est pour celui qui n'est pas marié. Et on parle d'adultère lorsque la personne est mariée. C'est la différence entre l'adultère et la fornication. Le marié ou s'était marié? Non, celui qui est marié ou qui a été marié. Non, ça veut dire une personne qui a peur de commettre l'adultère, il doit se marier. Non. Une personne qui a peur de commettre l'adultère, non, il doit se marier. Bien sûr. Si le fait qu'il soit marié avec une seule femme ne lui suffit pas, et que c'est une personne qui a beaucoup d'envie, et ses envies ne sont pas assouvies avec une seule femme, et qu'il a besoin d'une deuxième femme, et qu'il a essayé de trouver tous les moyens sans trouver de solution, et la seule solution c'est de se marier avec une deuxième femme, alors pour lui c'est une obligation de se marier avec une deuxième femme. Non. Et si la première femme elle a mis dans le contrat pas de co-épouse? Allahu a'lam akhi, la adri, il faut poser la question au savant. Non. ومن عجز عن النكاح وهو فيه راغب فعليه بالصوم لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حديث متفق عليه. Et celui qui n'a pas la possibilité de se marier malgré qu'il en ait la grande envie, alors il doit jeûner. La preuve est le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui a la capacité ou qui a les moyens, alors qu'il se marie, fa'innahu aghaddu lilbasar, car le mariage aide à baisser le regard, wa ahsanu lilfarj, et à préserver les organes génitaux, wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm, et celui qui n'a pas la possibilité de se marier alors qu'il jeûne, fa innahu lahu wija, car ce jeûne sera pour lui une protection. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et les savants, lorsqu'ils parlent de la capacité, ils parlent de la capacité physique et de la capacité financière, d'avoir les moyens physiques et financiers de se marier. Très bien, pour le mu'allif. Ensuite, l'auteur pose la question: quelles sont les meilleures femmes avec qui se marier? Ayyun nisa'i khayr. ومن أراد النكاح فليتحرى من النساء من تتوفر فيها هذه الصفات. Et celui qui a l'intention ou qui a le désir de se marier, alors qu'il recherche parmi les femmes celles qui ont les qualités suivantes. أولا أن تكون ذات دين. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. حديث متفق عليه. La première caractéristique, c'est qu'elle soit une femme dotée de religion. La preuve est le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la femme, et on se marie avec une femme pour quatre choses, c'est-à-dire que les gens en général se marient avec une femme pour une de ces quatre choses: l'imaliha, pour son argent, wa li hasabiha, pour ses origines nobles, wa li jamaliha, pour sa beauté, wa li dhiniha, et pour sa religion. Fadfar bidati din, accroche-toi ou recherche celle qui est dotée de religion. Talibat yadak, que tes mains touchent la poussière. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un constat en nous disant que les femmes, lorsqu'elles sont mariées, elles sont mariées pour quatre choses. Lorsqu'on se marie avec une femme, c'est pour quatre choses en général: soit pour son argent, soit pour ses origines ou pour sa descendance, et ça c'est beaucoup connu chez les tribus, telle femme est la fille d'un tel qui fait partie de telle famille qui est noble et respectueuse, et le fait de se marier avec une femme d'une telle descendance ou qui a une telle origine, c'est un honneur pour cet homme. Ou bien pour sa beauté, et pour sa religion. Et le prophète sallam donne un conseil aux jeunes en disant: fadfar bidat ad-din, recherche celle qui est dotée de religion, talibat yadak, que ta main ou que tes mains touchent la poussière. Concernant tes mains touchent la poussière ou que tes mains soient remplies de poussière, il y a deux explications des savants. La première, c'est que c'est une expression qui est utilisée en arabe pour appuyer une chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire par le fait de toucher la terre ou la poussière, il voulait dire par là la pauvreté. Car ce sont les pauvres dont les mains sont recouvertes et pleines de poussière. Certains savants ont dit que c'est une expression en arabe qui est utilisée mais qui n'est pas voulue. Et ce qui est voulu, c'est d'appuyer la chose. Et ils ont donné un exemple dans le hadith connu, le hadith de Mu'ad ibn Jabal, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Thakilat ka ummuka ya Mu'ad, que ta mère te perde, ô Mu'ad. Wa hal yakubbu an-nasu ala wujuhihim illa hasa'id al-sinatihim. Et les gens ne seront-ils pas jetés en enfer à cause des dégâts de leur langue? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Thakilat ka ummuka ya Mu'ad, que ta mère te perde. Et al-thakla en arabe, c'est une femme qui a perdu son fils. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu pour la femme de la mère de Mu'ad qu'elle perde son fils? Non. C'est une expression qui est utilisée en arabe pour appuyer la chose, c'est-à-dire: je t'affirme au Mu'ad et j'attire ton attention et prends en compte que les gens, la plupart des gens qui seront jetés en enfer, ce sera à cause des dégâts de leur langue. Et ici, c'est la même chose dans ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et recherche celle qui est dotée de religion, que tes mains touchent la poussière. Autrement dit, pour appuyer le fait et pour insister sur le fait que de rechercher la femme dotée de religion est ce qu'il y a de plus important. Et la deuxième explication des savants, ils ont dit talibat yadak, c'est-à-dire tes mains vont toucher la poussière si tu choisis une femme qui n'est pas dotée de religion. Autrement dit, choisis, recherche une femme dotée de religion, sinon tu connaîtras la pauvreté. Sinon, tu connaîtras la pauvreté. Vous avez compris ou pas ? Taïb. La deuxième caractéristique, « Antakuna bikra illa antakuna lahu maslaha fi thayyib. » Les hadiths Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, « قال, تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر تزوجت؟ قلت نعم قال بكر أم ثيب؟ قلت ثيب قال فهل بكرا تلاعبها؟ قلت يا رسول الله إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن قال فذاك إذن إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك حديث متفق عليه. La deuxième caractéristique, c'est que la femme soit vierge, sauf s'il y a un bien et un avantage dans le fait de se marier avec une femme qui n'est pas vierge. La preuve est le hadith de Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, qui dit « Je me suis marié avec une femme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et m'a dit « Ô Jabir, t'es-tu marié ?» Je lui ai répondu « Oui ». Il m'a dit « Est-elle vierge ou non ?» Je lui ai répondu « Non, elle n'est pas vierge. » « Qala fahalla dhikran tula'ibuha ?» Pourquoi ne te maries-tu pas avec une vierge afin que tu t'amuses ou que tu joues avec elle ?» Et yani, le terme tula'ibuha, les savants ont dit afin que tu joues avec elle et qu'il y a un amour yani, plus fort entre toi et elle. Car, les savants ont expliqué en disant, car une femme qui n'est pas vierge, son cœur peut être attaché encore à son ancien mari. Or, une vierge, elle ne peut être attachée qu'à son premier mari. Fakultu, j'ai dit, ô envoyé d'Allah, inna li akhawat, j'ai des sœurs, fakhashitu an tadkhula bayni wa baynahun, et j'ai peur qu'elle entre entre moi et elle. Et pour comprendre cette parole de Jabir ibn Abdillah, il faut voir un autre hadith, ou plutôt une autre version de ce hadith, qui cite que Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, lorsque son père, qui s'appelle Abdullah, Jabir ibn Abdillah, Jabir le fils de Abdullah, donc son père c'est Abdullah. Lorsque Abdullah, le père de Jabir, radiallahu anhu, est décédé, a été tué dans la bataille de Uhud, il a laissé 7 filles, autrement dit 7 sœurs à Jabir ibn Abdillah. Et lorsque le père n'est plus là, qui doit se charger et subvenir aux besoins de ses sœurs? C'est le frère. Et Jabir ibn Abdillah avait donc à sa charge sept sœurs. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je me suis marié avec une femme qui n'est pas vierge, qui a déjà été mariée, car j'avais peur en me mariant avec une femme vierge qui était de jeune, qui avait un âge bas, qu'elle entre entre moi et elle. Autrement dit, qu'elle rentre au sein de mes sœurs et qu'elle n'ait pas d'influence sur elle. Et Jabir ibn Abdillah, dans l'autre hadith, a expliqué « Hatta yani taquma alayhin wa tuslihuhun » Je me suis marié avec une femme qui a déjà été mariée afin qu'elle s'occupe de mes sœurs et qu'elle les éduque. Et le professeur sallam lui a dit « Fadhaka idan » Eh bien, c'est ce qu'il fallait faire alors. Le professeur sallam a approuvé cette décision de Jabir ibn Abdillah de se marier avec une femme qui a déjà été mariée, car il y a dans cela un besoin et une nécessité. Innal mar'ata, puis le professeur Hassan m'a dit, la femme, on se marie avec la femme pour sa religion, pour son argent et pour sa beauté. Fa'alayka bidhati din taribat yadak. Et recherche celle qui est dotée de religion, que tes mains touchent la poussière. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. ثالثا أن تكون ولودا لحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي. Et la troisième caractéristique, c'est qu'elle soit féconde. La preuve, c'est le hadith de Anas ibn Malik رضي الله عنه qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: mariez-vous avec Al-Wadoud. Al-Wadoud, c'est la femme qui aime son mari. Mariez-vous avec une femme qui vous aimera, Al-Wadoud, et qui est féconde. Fa'inni mukathirum bikum al-umam. Car je veux être la communauté qui soit la plus nombreuse parmi les communautés, parmi toutes les communautés. Et le prophète sallam veut être celle qui sera la plus nombreuse. Non. Ça peut être une raison de se marier avec une deuxième femme, de se marier avec le prophète sallam, qui dit qu'on va multiplier sa communauté, mis à part le fait que ça n'a pas l'air quelqu'un qui a beaucoup de plaisir. Yanni, les savants disent concernant le fait de se marier avec une deuxième femme, il n'y a pas besoin d'avoir une raison. C'est une chose qui est autorisée. Tu peux très bien te marier avec une seconde femme, car Allah subhanahu wa ta'ala te l'a autorisé. Et la seule condition dans cela, c'est d'être juste. Allah subhanahu wa ta'ala dit: wa in khiftum an la ta'dilu fawahida. Et si vous avez peur de ne pas être juste entre elles, alors une seule. Et les savants disent que celui qui a peur de ne pas être juste envers ses femmes, qui lui est interdit de se marier avec une deuxième femme. Si tu as peur et tu sais que tu ne vas pas être juste avec tes femmes, entre la première et la deuxième femme, alors les savants entrent soit dans la catégorie des gens pour qui le mariage est interdit. Le mariage est interdit pour celui qui a peur de ne pas être juste envers ses femmes. Tayyib, ayyur rajuli khayr. Quel est le meilleur des hommes à prendre ou à choisir en mariage? Dans le deuxième hadith là, dans le premier hadith où il dit qu'il a pris la femme, elle n'était pas vierge, parce qu'il avait peur qu'elle rentre entre elle et entre ses sœurs. Mais il loue le mal s'il aurait pris une femme vierge. Yani, lui, il ne voulait pas que ça, prendre une femme jeune, qui a le même âge que ses sœurs, puis qui, en côtoyant ses sœurs, yani, pourrait être une source de problème et qu'il y ait une mauvaise entente entre elles. Or, il a jugé que de prendre une femme qui est plus âgée que ses sœurs, qui a déjà été mariée, et Annie qui sait éduquer des enfants, que cela était meilleur pour lui, et pour éviter tous les problèmes, et pour que justement, cette femme qui a déjà été mariée, puisse prendre en charge l'éducation, et inculquer les bonnes valeurs à ses sœurs. En fait, quels sont parmi les hommes les meilleurs avec qui il faut se marier? إذا كان وإذا كان على الرجل أن يتحرى من النساء من من وصفنا فإن على ولي المرأة أن يتحرى لنكاحها الرجل الصالح لحديث أبي حاتم المزني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. De la même façon, il est demandé à l'homme de rechercher les caractéristiques citées précédemment chez une femme. Il est également demandé au tuteur de la femme de rechercher pour la femme qu'il a sous sa tutelle un homme vertueux et pieux. La preuve est le hadith de Abu Hatim al-Muzani radiyallahu anhu qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ. Si vient à vous celui dont vous agréez la religion et le comportement, alors mariez-le. إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Si vous ne faites pas, alors il y aura sur terre des turpitudes et un grand mal. Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi. Donc la caractéristique de l'homme, le tuteur de la femme doit être satisfait de la religion et du comportement de l'homme qui vient demander sa fille ou la femme qu'il a sous sa tutelle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre ici qu'il y a deux choses qu'il faut vérifier. Il faut vérifier la religion. Est-ce que cet homme a une religion droite ? Est-ce qu'il est assidu dans ses pratiques, etc., etc. Est-ce qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala ? Et également, est-ce que son comportement est un comportement louable ? Et pour connaître le comportement de quelqu'un, il faut soit voyager avec lui, car combien de personnes, lorsque tu les côtoies, lorsqu'il est habitant, qu'il est chez lui, etc., tu vois en lui que du bien, mais à partir du moment où il voyage et que les épreuves commencent, car le professeur Sam a dit « As-safaru qita'atun min al-adab » que le voyage, c'est une partie de supplice. C'est un supplice quelque part. Lorsqu'il voyage et qu'il est atteint par la fatigue et qu'il est atteint par la faim, par la soif, par la chaleur, par le froid, etc., etc., lorsqu'il est atteint par l'éloignement du lieu où il habite, là, le vrai visage de la personne se dévoile. C'est là où tu vois une personne, si elle est patiente ou pas. Si tu vois une personne, si elle accepte le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pas. Si elle accepte les épreuves, comment elle se comporte envers les épreuves. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'énerve ou pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui se plaint ou pas? Etc., etc. Le voyage permet, lorsque tu voyages avec une personne, cela te permet de mieux connaître la personne. Et combien de personnes, lorsqu'elles ont voyagé avec d'autres, beaucoup de choses se sont dévoilées. Des choses qu'ils n'auraient jamais suspectées se sont dévoilées devant ses yeux. Et un autre moyen de connaître une personne, c'est de travailler avec lui, d'avoir des relations commerciales avec lui. Et ça, malheureusement, on le voit beaucoup à notre époque. Combien de personnes, tu les vois, mashallah, mais lorsqu'il s'agit d'euros, lorsqu'il s'agit de vendre et d'acheter, là tu vois l'ajab ou l'ajab. Là tu vois des choses qui vont t'étonner comme jamais tu n'as été étonné. Des choses dont tu n'avais jamais pensé, des choses, tu t'es dit jamais, un musulman ne pourrait faire, ou je n'aurais jamais pensé que toi, comme je te connais, tu aurais pu faire cela. Combien de transactions se passent mal, combien de comptes sont faussés, combien d'argent sont volatilisés, etc., etc. Donc le fait d'avoir une transaction commerciale avec quelqu'un, de voir comment la transaction se passe, de voir si les comptes sont normaux ou pas, s'il n'y a pas de trous, s'il n'y a pas de tricherie, etc., etc., et cela aide à connaître le comportement de la personne. Et également, le troisième moyen de connaître une personne, c'est lorsque c'est ton voisin. Lorsque c'est ton voisin, c'est un moyen pour toi de connaître son comportement, de savoir comment il est. Est-ce que son comportement est agréé chez toi? Est-ce que tu es satisfait de son comportement ou pas? Donc il est préférable, lorsque tu veux te renseigner sur quelqu'un, de demander directement à ses voisins. Les voisins vont te dire comment il est, est-ce que c'est quelqu'un de nerveux ou pas, est-ce qu'ils l'entendent crier, ou est-ce qu'ils ont vu ou entendu des mauvaises choses de lui, est-ce qu'il leur a porté atteinte ou pas, etc., etc. Les voisins pourront te donner une image ou un avis sur la personne dont tu veux savoir. Non. Fadala. Il y a c'est-à-dire l'amana. Bien sûr, après ça, si c'est une personne à qui tu as confié un dépôt, ou à qui on a confié un dépôt, ou à qui beaucoup de personnes ont confié un dépôt et que le dépôt n'a pas été préservé comme il se doit, ou qu'il a été égaré, etc., ça c'est une preuve que la personne n'est pas, il y a un manque dans son comportement. dans la sincérité et dans la responsabilité. De voir aussi si la personne est avare ou pas, de voir si la personne est nerveuse ou pas, de voir si la personne est, comment dire, est violente ou pas, etc., etc. Parce qu'une personne qui est avare, c'est un défaut que tu dois connaître. Tu ne vas pas, c'est un danger, ou ce serait un mal de donner ou d'accepter le mariage avec un homme qui est avare. Tu sais qu'il ne subviendra pas aux besoins de sa femme, ou qu'il va penser qu'à lui, qu'il va manger et laisser sa femme dans le besoin, etc., etc. Et une personne qui est avare, ça peut être un moyen ou une excuse de refuser un mariage. ولا بأس بأن يعرض الإنسان ابنته الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير لحديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يوم هذا قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقال إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا وكنت أوجد عليه مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا قال عمر قلت نعم قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها حديث صحيح رواه النسائي والبخاري كذلك قبلتها نعم قبلتها et il n'y a pas de mal à ce qu'une personne propose sa fille ou propose sa sœur aux gens de bien pour le mariage. La preuve est le hadith de Ibn Umar radiyallahu anhu, qui dit que Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lorsque sa fille Hafsa bint Umar a perdu son mari, Khunais ibn Hudhafata al-Sahmi, qui faisait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est mort à Médine après la bataille de Badr, lorsque la idda, lorsque le terme de 4 mois et 10 jours a été terminé, Omar al-Khattab radiallahu anhu, qui est le père de Hafsa radiallahu anha, est venu voir Uthman ibn Affan et lui a proposé Hafsa. فقال يا عثمان بن عفان رضي الله عنه أجي سأنظر في أمري je vais réfléchir فلبثت ليالي et عمر الخطاب a dit et je suis resté quelques jours ثم لقيني puis عثمان بن عفان رضي الله عنه m'a rencontré فقال et il m'a dit قد بدا لي أن لا أتزوج يوم هذا il m'est apparu où je vois que je ne veux pas me marier pour le moment. قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق. عمر الخطاب a dit j'ai rencontré alors Abu Bakr al-Siddiq رضي الله عنه et je lui ai dit إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر si tu le désires et si tu veux je te marie à Hafsa la fille de Omar. فصمت أبو بكر et Abu Bakr رضي الله عنه si tu n'a rien dit. فلم يرجع إلي شيئا et Omar al-Khattab radiallahu anhu a dit et il ne m'a fait aucun retour depuis que Omar al-Khattab radiallahu anhu a proposé sa fille Hafsa radiallahu anha à Abu Bakr radiallahu anhu. Abu Bakr s'est tu et ne lui a plus donné de nouvelles. وكنت أوجد عليه مني على عثمان. Et j'étais plus énervé contre lui que contre Uthman. Radiallahu anhu. Et les savants ont dit que Omar al-Khattab radiallahu anhu était plus énervé contre Abu Bakr que sur Uthman radiallahu anhu, car pour deux choses, soit parce que Abu Bakr radiallahu anhu était très proche de Omar al-Khattab, et le fait que Abu Bakr ne dise rien, se taise, est blessé Omar radiallahu anhu. Ou bien c'est le fait que Abu Bakr radiallahu anhu s'est tu et n'est pas répondu. Quant à Uthman, lui, il a donné sa réponse en disant qu'il ne désirait pas pour le moment se marier. Falabithu layali. Puis Omar al-Khattab radiallahu anhu a attendu quelques jours. Thumma khatabaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fankahtuha iyyah. Puis quelques jours après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé en mariage Hafsa bint Omar, et Omar al-Khattab a marié sa fille au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Omar radiallahu anhu dit falaqiyani Abu Bakr, et Abu Bakr m'a rencontré par la suite et m'a dit لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. Peut-être que tu es énervé contre moi lorsque tu m'as proposé ta fille Hafsa et que je ne t'ai donné aucun retour. Et Omar radiallahu anhu a dit oui. Dit oui, c'est vrai que je suis énervé contre toi lorsque je t'ai proposé ma fille et que tu ne m'as fait aucun retour. Et Abu Bakr radiallahu anhu a dit فإنه لم يمنعني. Ce qui m'a empêché de te donner une réponse lorsque tu m'as proposé ta fille, c'est le fait que je savais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait cité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait parlé de Hafsa radiallahu anha. فلم أكن لأفشي سر رسول الله sallallahu alayhi wa sallam. Et il était hors de question que je dévoile un secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِلْتُهَا. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait délaissée ou ne s'était pas marié avec elle, alors j'aurais accepté ta demande. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Al-Nasa'i. Et dans ce hadith, il y a beaucoup de choses qu'on peut déduire. Il y a le fait que Omar al-Khattab radiallahu anhu soit énervé, cela fait partie de la nature humaine d'être blessé. Mais le souci, c'est lorsque le fait d'être blessé ou d'être énervé te pousse à dépasser les limites. Car Omar al-Khattab radiallahu anhu a gardé cela pour lui. Cela ne l'a pas empêché de parler avec Abu Bakr et d'avoir des relations normales avec lui. Contrairement à beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont énervés ou lorsqu'ils en veulent à quelqu'un, ils ne lui parlent plus. Il ne le passe plus le salam, etc., etc. Le fait d'être énervé, c'est la nature humaine. Mais de dépasser les limites ou de ne pas t'acquitter des droits qu'a ton frère sur toi, parmi ces droits, le fait de le saluer et qu'il réponde à ton salam, c'est dépasser la limite. Et aussi, on déduit de ce hadith l'importance qu'il y a de garder les secrets. Et que tout ce qui s'entend ne se dit pas forcément. Tout ce qui s'entend ne se dit pas forcément. Et qu'il est autorisé aussi, on déduit aussi de ce hadith, qu'il est autorisé de se taire lorsque l'on juge que la réponse n'est pas appropriée. Comme l'a fait Abu Bakr radiallahu anhu, lorsque Omar ibn Khattab lui a proposé sa fille, Abu Bakr radiallahu anhu s'est tu, n'a pas donné de réponse. Et beaucoup ne comprennent pas ce comportement. Certains vont par exemple profiter qu'un cheikh vienne pour condamner une chose qui se passe par exemple dans la mosquée devant tout le monde avec les personnes concernées. Et le cheikh va comprendre cela et va juger par exemple que s'il donne la réponse maintenant, cela va faire une grosse fitna dans la mosquée. Beaucoup ne comprennent pas le fait qu'un cheikh se taise. Ils ne disent pas une chose. C'est compréhensible. Si le fait de parler va amener plus de mal que de bien, alors de se taire est mieux. Pour cela que le professeur Sam a dit وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. que celui qui, craint, qui croit en Allah et au jour du jugement, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Donc tout ce qui s'entend ne se dit pas forcément. Et on déduit aussi de ce hadith l'importance de garder les secrets. Lorsque quelqu'un te dit une chose et qu'il te demande de garder cette chose en secret, c'est une obligation pour toi de garder cela en secret. Il ne t'est pas autorisé de le dévoiler. Car de dévoiler ce secret pourrait porter atteinte et portera atteinte sans aucun doute à cette personne. Et le hadith est authentique, rapporté par Al-Bukhari et Al-Nasa'i. Et donc dans ce hadith, on voit bien qu'il est autorisé au tuteur de la fille, si un père qui a une fille ou un frère qui a une sœur, il lui est autorisé, s'il voit des personnes de bien, des frères qu'il connaît, en qui il a confiance, dont il connaît le bon comportement, etc., et dont il est satisfait de la religion, alors il lui est autorisé de proposer, ce n'est pas une honte en aucun cas, de proposer sa fille ou de proposer sa sœur, de dire voilà, j'ai une fille et je te la propose en mariage, est-ce que tu acceptes ou pas, je te laisse réfléchir, etc. etc. Comme l'a fait Omar radiallahu anhu à Uthman ibn Affan, qui fait partie des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un des 10 à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis de leur vivant, et de même qu'Abu Bakr radiallahu anhu. On aktafi bi hadha al-qadr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك